Le journal Internet des Coréens aux États-Unis, Minjok Tongsin, a présenté le 10 septembre un éditorial qui accuse le numéro 1 sud-coréen d'avoir fini par disposer SAD supplémentairement contre l'opinion des habitants qui avaient manifesté les bougies dans les mains.